Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 13 mars 2017. Voici les grands titres de cette grande édition. Le porte-parole des forces de défense nationale dément les informations faisant état de deux personnes tuées le week-end dernier par des individus qui se seraient repliés en territoire burundais, selon les autorités rwandaises. Les eaux usées sont devenues ingérables dans la commune urbaine de Bouiza avec comme conséquence un grand risque d'attraper les maladies des mains sales. Notre reporter nous décrira le calvaire que vivent les citadins de la 4e avenue. Et le maire de la ville de Bujumbura essaie d'encadrer les jeunes récemment libérés de prison. C'est pour leur réintégration sociale, nous dira Freddy Mbonima. Et dans l'actualité sportive de la semaine écoulée, il sera essentiellement question de football. La sélection de Djibouti a été battue ce week-end à Bujumbura par les Inamba Seniors. C'est dans un match amical. Alors que Messaging Ngozi a été battu à l'étranger 2-0 par Zesco United. C'est une équipe de la Zambie et c'est dans le cadre de la Coupe de la Confédération. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, deux personnes ont été tuées, une autre blessée dans la nuit de samedi à dimanche dans le village Kabuga, secteur Bugarama, district de Rusizi, du côté du Rwanda. Le ministère rwandais de la Défense, via son site internet, indique que les malfaiteurs, dont un groupe armé non identifié, auraient trouvé refuge au Burundi. Mais le ministère burundais de la Défense nationale dément ces informations. Dans un communiqué ce lundi, signé colonel Gaspard Baratouza, le porte-parole des forces de défense nationale, il indique qu'aucun groupe armé n'a été remarqué traversant la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Il ajoute que le Burundi n'acceptera jamais que les criminels ou déstabilisateurs dans les pays voisins se replient sur le territoire du Burundi. Et 9 personnes de la colline Rushima, commune Mugina de la province Chibitoke, ont été appréhendées par la police pour enquête sur la mort d'un homme de 50 ans du nom de Fenias Barakamfitiye, tué à coups de machette dans la nuit du 11 au 12 mars. Cet homme était accusé de sorcellerie. Parmi ces 5 personnes, arrêtées figure le frère du disparu, comme l'indique l'administration, parce que ce meurtre aurait un lien avec les problèmes fonciers. La police dans cette province fait savoir que d'autres personnes vont être appréhendées pour connaître l'auteur de ce crime. Je venais de vous le dire, les habitants de la 4e avenue à Bouiza, mairie de Bujumbura, s'inquiètent qu'ils risquent d'attraper les maladies des mains sales. L'inquiétude se fonde sur des fosses septiques qui sont débordées et tous les déchets se déversent en pleine rue. Les responsables d'hygiène au niveau zonal indiquent que tout est lié à l'action de ces habitants qui se permettent de jeter des objets qui ne devraient pas être mis dans les toilettes. Mais quoi qu'il en soit, ces habitants demandent que ces fosses soient réparées le plus tôt possible. C'est un reportage signé Léonce Vitario. À en entendre le bruit, on dirait des eaux normales, mais ce sont des déchets provenant des ménages à Bouiza, 4e avenue. Une fosse septique a été débordée il y a bien des mois, selon des habitants de la localité. Tout près, il y a d'autres ménages, des restaurants, le chef-lieu de la zone est Bouiza et l'hôpital maison médicale de Bujumbura. Un des habitants parlait d'une situation insupportable. C'est une situation insupportable. Il y a environ six mois que ces choses se font ici. C'est un problème que nous vivons, un problème réel, lequel devrait être conscient l'autorité de l'État. L'homme affirme que ce problème est connu de l'administration zonale et quelquefois on répare, mais ça ne dure pas. Ce que je constate, c'est qu'il y a une fois ou deux fois que la zone a essayé de chercher quelqu'un qui pourrait réparer, mais comme il n'est pas spécialiste en la matière, ça n'a pas cessé de revenir, de nous causer encore d'autres problèmes. Datif Nderagakura, c'est le chargé de l'hygiène au niveau de Bouiza. Pour lui, ce genre de problème trouve origine chez des habitants qui se permettent de jeter dans des toilettes des objets qui n'y sont pas destinés. C'est un conduit qui était bien cimenté, bien entretenu, mais nous constatons qu'à la 9e avenue, près de Kingstar, à la 4e avenue, 3e avenue, de temps en temps, on observe des débordements, puisque la capacité de les conduits a été perturbée. On observe les capotes qu'on a jetées dedans, des sachets, des matelas et autres déchets possibles. Ce responsable appelle les gens à faire preuve de responsabilité en matière d'hygiène, en ne jetant pas des objets étrangers dans leur lieu d'aisance. Il reconnaît toutefois que les services municipaux doivent agir pour pour le cas présent de la 4e avenue. Selon lui encore, à part Brisa, des conduits de déchets qui sont débordés s'observent également dans Buyenzi et quelquefois à Nyakabiga. Merci Léonce, on reste dans cette zone de Buisa pour vous parler de ces problèmes de délestage. Les habitants font face à des délestages prolongés, des problèmes donc, comme a pu le constater Mireille Kanyank. Nituzi yuko ari bijya bya délestage ico ni kibazo turibazo tuti ah none twe yo tuziriki. Ils se demandent pourquoi eux, c'est un des habitants du quartier urbain de Buisa, il parle d'un manque de courant électrique dans son quartier. Il ne sait pas si c'est une panne ou si c'est un délestage seulement dans certains ménages de ce quartier. Nituzi yuko ari bijya bya délestage. Nous ne savons pas si c'est le délestage, on en a dû un jour, mais il n'y a pas de programme. Maintenant, on a aucune information s'il s'agit du délestage ou non. Le courant vient, il y repart aussitôt. On ne sait même pas si c'était une panne. Je ne crois pas que ce soit une panne parce que le courant reviendrait. Si le délestage se serait rendu public et savoir que c'est toute la zone de Buisa, c'est quelques lignes de Buisa, c'est vraiment un problème. On se demande pourquoi nous. Pour cette mère de famille, ce manque de courant cause problème, surtout pour les devoirs à domicile des enfants, ainsi que pour le repassage des habits pour nourrissons. Franchement, à Buisa, nous avons un problème d'électricité tous les jours. Il arrive que nous passons deux jours sans électricité et n'en avoir qu'une heure. C'est un problème pour nous quand il faut faire les devoirs à domicile pour les enfants. La révision, c'est difficile. Le problème, c'est également pour repasser les uniformes et les habits pour les tout-petits. Je ne saurais oublier la conservation du lait au frigo. Bon, moi, si par exemple, le quartier Jabé a du courant l'avant-midi, qu'on se souvienne de nous l'après-midi. Surtout pour ses devoirs à domicile. Ils demandent tous d'être éclairés comme ailleurs dans d'autres ménages et dans d'autres zones de la capitale Bujumbura. Merci Mireille. Les jeunes récemment libérés peuvent contribuer à la consolidation de la paix. Cela a été dit lors d'un atelier organisé par la mairie de Bujumbura à l'endroit de ces jeunes pour les préparer au projet de développement. Certains éprouvent des difficultés de réintégration comme le dit cet élève qui n'a pas encore pu regagner le banc de l'école. Pour avoir quand même, j'étais élève, j'étudie, mais pour détenir des problèmes qu'il y avait à Paris, au Burundi, j'ai fait le mouvement de manifestations. Alors, on m'avait attrapé. Alors que j'étais élève, beaucoup de choses ont arrêté sur moi, hein, à cause de ce mouvement de manifestations. Comme nous sommes les jeunes, nous préparons notre futur. Bientôt, je vais regagner l'école, puisque le mois est déjà quand même écoulé. Peut-être l'année prochaine, je fréquenterai mes études encore. Le maire de la ville de Bujumbura fait savoir que cet atelier a été pensé après avoir entendu que dans certaines provinces, certains jeunes ont été encore soupçonnés de crimes divers. Freddy Mbonima dit que la mairie essaie de suivre leur réintégration. Nous avons eu écho dans d'autres provinces qu'il y a ceux qui avaient bénéficié de cette libération, mais qui ont retourné dans les mauvaises choses. Ils ont volé, ils ont tué. C'est pour cela que nous, au moment où nous avons eu l'écho qu'ils vont être libérés, les chefs de zone et les administrateurs ont été à la prison centrale de Mimba pour les recevoir, les accueillir et les accompagner jusque chez eux et sensibiliser la population environnante pour ne pas les marginaliser. Ces jeunes ont été libérés. Il y a ceux qui étaient sur le banc de l'école et d'autres qui étaient dans des emplois différents. Est-ce que vous suivez qu'ils ont été bien réintégrés et quel programme avez-vous pour eux? Bon, effectivement, il y avait des étudiants, des élèves, il y avait des fonctionnaires. Je crois qu'en matière de la loi sur le travail, c'est clair, il y a des délais qui vous permettent de reprendre le service. Des étudiants, des élèves qui devraient retourner à l'école. Ceux qui n'ont pas pu retourner à l'école, on va les aider. C'est le travail de l'administration. Donc, nous sommes là pour les aider à reprendre une vie normale. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, avant l'actualité des provinces. Sachez que le premier vice-président de la République présente en ce moment le rapport trimestriel aux parlementaires à toutes les chambres réunies ce lundi. Il a déclaré que la sécurité était généralement bonne dans la deuxième moitié de l'an 2016. C'est un rapport semestriel, pardon. Et toutefois, il s'est observé des cas de violation des droits de l'homme. Il a indiqué qu'une cinquantaine de bandes de criminels ont été démantelées. Nous reviendrons sur cette information dans nos éditions de la soirée. Il est 13h10 à Bujumbura. Nous appelons nos correspondants à travers le pays. Cap d'abord sur Gitega. Au moment où le prix officiel du sucre est de 2200 francs le kilogramme, dans la ville de Gitega, ce produit est en train d'être vendu à presque 3500 francs le kilo. Excepté le sucre, dans certains bistrots de la ville de Gitega, les tarifs fixés par la Branroudi ne sont pas respectés. Il y a un ajout de 100 francs. Les habitants de cette ville qualifient cela de vol par les commerçants, et cela étant, ces derniers préfèrent garder le silence. Arthur Kavaouchi. Dans différentes boutiques de la ville de Gitega et de ses environs que nous avons visitées, le prix du sucre n'est pas respecté. La situation est comme telle au moment où le prix officiel du sucre est de 2200 francs bout par kilo, mais la réalité est tout autre car les commerçants vendent ce produit à un prix qu'ils ont eux-mêmes fixé, c'est-à-dire 3400 ou 3500 francs le kilo. Cependant, ces commerçants n'ont pas voulu expliquer le pourquoi de cette hausse. Mais la population de Gitega indique que le sucre est distribué chaque début du mois et dans tous les points de vente, mais ses revendeurs le donnent deux jours uniquement et au prix officiel, puis après, ils disent que ce produit est fini afin de pouvoir le vendre à un prix exorbitant. Excepté le sucre, même dans différents bistrots de la ville de Gitega, les cabaretiers ajoutent 100 francs au prix officiel de la Branroudi, ce qui fait qu'il y a toujours des disputes entre les propriétaires de ce bistrot et les clients. Face à cette situation, les habitants de la ville de Gitega disent que ce que ces commerçants sont en train de faire, c'est du vol qualifié qui se fait au grand jour. Ils demandent à l'administration de prendre en main cette question du moment que le gouverneur avait dit que ceux qui seront surpris en train de spéculer sur les tarifs connus du sucre, ce produit lui sera retiré et vendu au prix officiel et qu'il sera rayé de la liste des commerçants autorisés à vendre ce produit. À la Branroudi, ils disent qu'après avoir fixé les tarifs, il revient à l'administration de veiller au respect de ces tarifs. Arthur Kavaouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur, et c'est la grogne de certaines femmes de la commune Guianga dans la province Bobanza qui ont été transportées ce dimanche vers le chef-lieu de la province pour un soi-disant séminaire. Mais elles se sont retrouvées dans une réunion du parti Uprona. De son côté, Emmanuel Ngendabanga, représentant de l'Uprona dans cette commune de Guianga, dément toutes les allégations faites à son égard et précise que ce ne sont que des membres de l'Uprona qui célébraient le 55e anniversaire de sa victoire. Spécialitas Kamanyana. Ces femmes très fâchées et en désaccord avec leur mari se sont levées très tôt le matin de ce lundi pour insister au domicile de ceux et celles qui avaient confectionné les listes des participants à ce soi-disant séminaire. Et elles ont été vite chassées. Elles disent ne pas comprendre comment elles ont été conduites discrètement dans une réunion du parti Uprona et ont passé toute une journée à attendre que les autorités en provenance de Bujumbura arrivent sur les lieux. Certaines de ces femmes indiquent qu'elles ont même été chassées de leur foyer par leur mari qui leur demande de l'argent qu'elles ont perçu de ce séminaire. De son côté, Emmanuel Ngendabanga, représentant du Prona dans la commune de Guianga, dément toutes les allégations faites à son égard et précise qu'il n'a confectionné les listes des membres de l'Uprona qui devraient se présenter dans la fête à Bubanza où on célébrait le 55e anniversaire de la victoire de l'Uprona. Il ajoute que personne n'a été transporté par force et même le verre qui était disponible a été équitablement partagé par tous les participants. Selon toujours Emmanuel Ngendabanga, ce qui est fortement démenti par ces femmes mécontentes de ce qui leur est arrivé ce dimanche. C'est Caritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Et le gouverneur de la province Karusi demande aux femmes de se mettre ensemble pour lutter contre les pratiques de concubinage, mais aussi pour la protection de l'environnement. Skalini Mbarushimana explique que les femmes en sont les premières victimes. Et cela a été dit ce dimanche lors de la célébration de la Journée mondiale de la femme dans cette province et cérémonies qui ont eu lieu dans la commune Motumba. Blaise Pascal Kararumie. Le gouverneur de la province Karusi félicite les femmes de la commune Gitaramuka qui ont fait une synergie pour lutter contre les pratiques de concubinage en chassant toutes les filles ou toutes les femmes nouvellement concubines, et cela en collaboration avec les administratifs à la base. Madame Karini Marushimana demande aux femmes de sa province une synergie dans cette lutte, mais aussi pour que les femmes et les filles s'impliquent visiblement dans les travaux de protection de l'environnement. Cette autorité provinciale explique que ce sont les femmes qui sont les premières victimes du concubinage, mais aussi de la dégradation de l'environnement. Elle regrette que dans cette province, les travaux de protection de l'environnement semblent être exclusifs aux seuls hommes. Cela a été dit ce dimanche lors de la célébration de la Journée mondiale de la femme au niveau de cette province, des cérémonies qui ont eu lieu dans la commune de Mutumba, avec les responsables du forum des femmes au niveau provincial et communal et le secrétaire exécutif de ce forum au niveau national. Le gouverneur a aussi profité de l'occasion pour déplorer que certaines femmes exercent aussi des violences à l'égard de leur mari. Les cas cités sont entre autres le cas d'une femme qui a tenté au mois de février passé de casser son époux à l'aide d'un couteau lorsque ce dernier était endormi à la colline Ngorongo sous colline Banda de la commune Buhiga. Dans la même commune, une autre femme a aussi mis au monde un enfant qui n'est pas de son époux, lequel époux était en mission du pays en République Centrafrique, et la femme est allée cacher le nouveau-né dans une famille de la province de Kirundo. Responsables de la femme et le gouverneur de la province ont terminé en remerciant cette femme qui ont accueilli des enfants orphelins qui ont été laissés en leur donnant des vivres et des pagnes. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Et l'actualité sportive, l'équipe nationale de football senior Inhamba Murugamba a battu en fin du week-end dernier la sélection djiboutienne sur le score club de 7-0. C'était lors d'un match amical qui s'est déroulé au stade Prince-Louis de Ouagasore dans le but de se préparer pour les prochaines rencontres des sélections nationales au niveau du continent africain et dans la Coupe de la Confédération, toujours en Afrique. Les matchs alliés ont eu lieu à la fin de la semaine. Message Ngozi, qui représente le Burundi, a été battu 2-0 par Zesco United de la Zambie. Le match qui a été joué au nord de ce pays de l'Afrique australe. L'actualité sportive avec Evariste Nzikomanyang. La sélection djiboutienne de football est au Burundi depuis la semaine dernière. Elle est venue pour livrer des matchs amicaux avec les Inhamba Murugamba pour se préparer aux éliminatoires des prochaines compétitions interafricaines des équipes nationales. Dans son premier match avec les Inhamba Murugamba, les djiboutiens se sont inclinés 7-0 sur la pelouse du stade de Prince-Louis Ouagasore. Côté Inhamba, 3 buts ont été inscrits en premier mi-temps et 4 autres en deuxième mi-temps. Le sélectionneur des Inhamba seniors, Olivier Nyungeko, a indiqué à la fin de la rencontre que cette victoire est le fruit du travail. Comme vous savez, c'est un match amical, mais n'empêche qu'on peut dire que c'est le fruit du travail qu'on faisait. Je crois que les joueurs se sont bien comportés, ils ont commencé, ils ont marqué dès le début. Et c'est-à-dire que la préparation qu'on fait, et ça donne quelque chose, que ça donne des fruits. Et c'est pour cela que je dis, et on a gagné 7-0, mais ce n'est pas fini, c'est justement dans le cadre de préparation. Et on continuera à travailler, à pousser nos joueurs, parce que je vois qu'ils peuvent aller loin, mais ils méritent quelque chose pour les pousser, et je vois que ce sont des bons joueurs par rapport aux autres, mais il faut continuer à travailler. Au moment où c'est l'équipe nationale de Djibouti qui a sollicité ces matchs amicaux, les Inhamba comptent aussi, dans les jours à venir, se rendre en République Unie de Tanzanie, livrer des matchs amicaux avec Taifa Stars, souligne Olivier Nyungeko. Pour le moment, c'est la Djibouti qui a demandé ces deux matchs, et pour les préparations, nous aussi, ça nous a fait du bien, mais nous aussi, on a un match qui nous attend. On a demandé un match avec la Tanzanie qui se jouera au mois d'avril, et c'est dans ce cadre qu'on continue justement la préparation pour la CHAN qui, avec le premier match qu'on a avec le Soudan du Nord. Football toujours. La compétition africaine de la Coupe de la Confédération était en son deuxième tour la semaine dernière. Message Ngozi, qui représente le Burundi, a été battu 2-0 par Zesco United de la Zambie. Ce match aller s'est déroulé au nord de la Zambie vendredi dernier et le match retour est prévu d'ici 6 jours à Bujumbura, la capitale. Message Ngozi joue le deuxième tour de la Coupe de la Confédération après avoir éliminé l'équipe du Zanzibar. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. En Tanzanie, le parti au pouvoir a exclu 12 saboteurs après le congrès de ce parti tenu ce week-end. Et en Éthiopie, il y a eu 35 morts samedi dans l'éboulement d'une décharge. Et le Congo-Brazzaville, ce pays, est accusé par l'État américain de violation des droits de l'homme. Alida Ndaikeza. Au Congo-Brazzaville, selon un rapport du département d'État américain, la quasi-totalité des droits fondamentaux protégés par la Constitution congolaise ont été violés. Le rapport de 40 pages énumère des violations allant de la disparition forcée à la torture en passant par le viol, tout imputé aux agents de l'État congolais. Comme nous le lisons sur Africa News, s'appuyant sur un rapport de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, le département d'État américain rapporte que les autorités congolaises ont délibérément restreint l'aide humanitaire et l'accès aux observateurs et aux journalistes à ce département. En Tanzanie, le parti de John Magufuli a annoncé avoir exclu de ses rangs 12 hauts responsables accusés de sabotage lors de l'élection présidentielle de 2015. Cité dans la presse locale, le responsable chargé de l'idéologie au sein du CCM accuse les exclus d'avoir saboté le parti et violé les principes, sans toutefois préciser quelle forme avait pris ce sabotage. Comme l'écrit Africa Time, le comité exécutif national du CCM a par ailleurs adressé un sérieux avertissement à 4 responsables, dont Emmanuel Chimbi, un des membres de cet organe, qui a été sommé d'adresser à la direction du parti une demande de pardon. En Éthiopie, au moins 35 personnes ont été tuées par l'éboulement des ordures de la plus grande décharge du pays, située en périphérie de la capitale Addis Abeba. BBC Afrique écrit que dimanche après-midi, 6 grands véhicules cherchaient dans l'océan de déchets d'éventuels survivants ou corps. Selon les résidents, cet effondrement est dû à des travaux d'aplanissement au sommet de la montagne de déchets dans le cadre de la construction d'une centrale au biogaz exploitant les ordures. Alida Ndaïkeza, il est 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Jean Dodieu pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, en très bon après-midi.